j'aime bien, c'est bien. Je vais au café, je n'y fais rien. Je joue au baby avec Fabien. Je touche ma bille, je tue son gardien. J'y vais le matin, j'attends un peu. J'ouvre mon quotidien, je suis heureux. J'effeuille, je scanne le Parisien. Je joue à Pac-Man, je fais des points. Ouais, ouais. Le patron me connaît, il sait ce que je veux. Du lait chocolaté, de tartines, de Karine la serveuse, elle me drague. Karine est très rieuse, je lui dis des blagues. Ouais, ouais. Je vais au café, j'aime bien, c'est bien. Je vais au café, je n'y fais rien. De midi à 2h, c'est moi le plus vieux. Passe les filles en fleurs, les croque-monsieur. Ouais, ouais. Je fais mes papiers. Le montant du précédent loyer. Je classe, je pince, je fais des trous. Je paye après le 15 quand j'ai les sous. Ouais, ouais. Les soirs de coupe quand c'est la saison. Je reste voir le foot avec le patron. Chez moi j'ai la télé, j'ai le satellite. Chez moi j'ai du café et pas de visite. Non, non. Je vais au café, j'aime bien, c'est bien. Je vais au café, je n'y fais rien.